Ici si y'a pas de mecs cool que des mecs qui pensent à te barber ou t'enculer. Pas trop dans les deux gouttes, face au dos tous les cahiers. Mon petit en moto dans tous les coups. Et putain de merde, des fois je me dis que je fume trop. Mais bon, le mignon a remplacé mon cœur. Ils vont battre le bonhomme, je suis en Lamborghini. Les vents en Uber et je me moque. Comme d'hab, ouais, c'est nous l'actu. Comme d'habitude, c'est nous l'actu. J'ai pris des thunes, pas d'habitude. Un choix entre la puce et les terrains de foot. Mais la putain de sa mère, les huissiers de chez moi ont décidé. Pour moi, je peux pas faire autrement. Y'a que deux personnes dans ce monde qui ont pris mes patates. Donc, enculé, ta mère, viens pas me parler d'un gras. Je suis tentant un bolide de l'autre côté de la piste. Et je suis guillé, bourré, il fait des dérapages. 7 sur 7, ça fait du cash toute la semaine. Shenzhen, Koba, on a leur coup sous la semelle. J'ai deux chances sous ma semelle. Des liasses de ma chaussette. Mes pieds qui sont clairs. Pour le billet de la semaine. Pour le billet de la semaine. Sur le roi, on sait ce qu'il y a dans la cassette. On fait du bif avec ou sans la SACEM. Négro, je suis devant la cage comme les margières. Tous les jours, cible que du lin, négro, pas de BR. On investit dans des méthodes, la pierre. Négro, je demande la même chose à chaque prière. Équipe 7 sur 7, ça fait du cash toute la semaine.